Les sapins par André Theuriet. Par ces jours caniculaires, en voyant les externes d'un lycée sortir, hâves, efflanqués, alanguis, et cependant l'œil émerillonné par l'espoir des vacances prochaines, je me suis rappelé le temps où, au fond d'un collège communal, j'achevais ma seconde sous la double férule des frères Dordelus. J'ai tout à coup revu la classe au mur blanchi à la chaux, avec ses deux fenêtres donnant l'une sur la cour, l'autre sur la rue, et ses volets mi-clos à travers lesquels un oblique rayon de soleil faisait danser des poussières dorées dans l'atmosphère surchauffée. Ce rayon lumineux traversait la pièce comme une flèche, laissant le reste de la salle plongé dans une ombre bleue où l'on distinguait les tables tailladées de coups de canif, les figures somnolentes des élèves et la tête hérissée du professeur émergeant de la chaire entre deux piles de livres. Il me semblait encore entendre, dans la lourde touffeur de l'après-midi de juillet, le monotone bourdonnement des mouches mêlé à la voix chantante de Dordelus l'Antique, nous expliquant la première olynthienne. On l'avait surnommé l'Antique pour le distinguer de son frère cadet, Dordelus le Jeune, qui professait les mathématiques. Ce dernier était un pince sans rire, froid et implacable, auquel je dois les plus désagréables émotions de mon adolescence. La géométrie n'était pas mon fort, il le savait et ne me le pardonnait pas. Aussi, le mercredi, jour où avait lieu sa classe, ne manquait-il pas de m'appeler au tableau pour démontrer l'égalité des triangles ou les propriétés des angles alternes. J'avais froid dans le dos en prenant la craie et l'éponge. J'essuyais consciencieusement le tableau noir. Je traçais lentement la figure pour gagner du temps. Puis j'entamais péniblement ma démonstration. Je m'y embrouillais. Les lettres dansaient devant mes yeux et tout à coup j'étais interrompu par une voix ironique. « Très bien !» Vous n'en savez pas un mot. Vous passerez votre jeudi dans la maison de campagne d'à côté. Un autre. La maison de campagne était une salle voisine où l'on faisait les consignes, et cette invariable plaisanterie méritait encore plus que la retenue elle-même. Dordelus l'Antique était, lui, de meilleure composition. Bavard, très expansif, il émaillait son cours de digression qui durait des heures, et pendant lesquelles les leçons étaient complètement oubliées. Il aimait à parler de ses souvenirs d'enfance, de ses affaires privées, de ses vignes et des plantations qu'il entreprenait sur un terrain qu'il possédait à la lisière de la forêt domaniale. Nous connaissions sa marotte et nous en abusions. Nous nous donnions le mot, quand la leçon n'était pas sue, pour le lancer dans d'interminables divagations. Il avait l'imagination féconde et, une fois parti, il ne tarissait plus. Il y avait surtout un certain récit de l'invasion de 1815, et une fabuleuse bataille de Saint-Dié qui nous mettait en joie. Cette bataille, à laquelle il prétendait avoir assisté, prenait des proportions épiques. Chaque fois qu'il la racontait, les épisodes variaient et devenaient plus merveilleux. Un jour, il embellit sa narration d'aventures tellement prodigieuses que mon camarade Herbillon et moi nous eûmes l'audace de le traiter de blagueur. Le bonhomme s'arrêta court, très vexé. Il rougit, puis se souvenant qu'après tout il était le professeur et devait se faire respecter, « Ah, je suis un blagueur, » nous dit-il d'un ton sec. « Eh bien, assez blagué, récitez-moi votre leçon. » C'était la première ode d'Horace. « Mecenas, Atavis, édité Regibus. » Nous n'en savions ni l'un ni l'autre un traître mot. « Vous garderez tous deux les arrêts, demain jeudi, » continua Dordelus l'Antique, « et vous me copierez l'ode 20 fois pour vous la mettre en mémoire. » Nous ne l'avions pas volé et nous courbâmes la tête. Nous étions moins vexés au fond de cette consigne que d'avoir interrompu maladroitement le récit de la bataille, et à la fin de la classe, nous convînmes d'aller présenter nos excuses au professeur. Cela le radoucit, et comme il était bonhomme, il nous dit en passant sa main sur sa barbe de 8 jours. Tout bien réfléchi, il est malsain de claquemurer de grands garçons toute une journée, et j'ai résolu de commuer à votre peine. Au lieu de vous rendre aux arrêts, vous viendrez avec moi et vous m'aiderez à planter dans mon terrain 300 plants de sapins qui ne peuvent plus attendre. Nous acceptâmes naturellement avec joie cette commutation de peine, et le lendemain à midi, nous grimpions la chalet de Velle en compagnie de Dordelus l'Antique. Le terrain s'étendait en carré long sur le versant du plateau entre le bois et le chemin communal. C'était une friche inculte où se tordaient çà et là quelques grêle-bouleaux et 2 ou 3 cerisiers. Une herbe courte et moussue la recouvrait. Il n'y poussait guère que des anémones pulsatiles à Pâques et des prunelles à l'automne. On conçoit que M. Dordelus, esprit pratique en dépit de ses hâbleries, avait le désir d'utiliser ce terrain productif en y plantant la seule essence qu'il put croître et se développer, le sapin. M. Dordeluc, qui était féru de sylviculture, prétendait que le sapin se plaît dans les terres de médiocre qualité, mêlées de pierres et d'argile, et puis il aimait cet arbre qui lui rappelait son pays vosgien, et il rêvait de transformer sa friche en une sapinière fraîche et verte, où il entendrait plus tard la musique du vent dans les branches. Il avait fait venir de Saint-Dié 300 jeunes plants d'épicéa, hauts d'un pied à peine, et qui se trouvaient pour le moment couchés l'un près de l'autre dans une étroite tranchée tapissée de terre et de mousse. Une centaine de trous étaient déjà creusés dans la friche, à une distance raisonnable les uns des autres. « Je vais, nous dit-il, continuer à creuser des trous. Quant à vous, vous allez dépiquer les plants un à un. Vous les placerez bien droit dans chaque trou que vous comblerez ensuite de bonne terre. Est-ce compris ? Et maintenant, mes camarades, à la besogne. Nos arrière-neveux, nous devrons cet ombrage. » Il faisait un joli temps de printemps, ni trop chaud, ni trop frais. Les nuages blancs courant dans le ciel clair promenaient sur la plaine de légères ombres aux fantasques des coupures. À la lisière du bois, les cerisiers sauvages et les bourdaines fleurissaient, et l'allègre sifflet des mers nous donnait du cœur à l'ouvrage. De temps à autre, en relevant la tête, nous apercevions la plaine onduleuse, déroulant jusqu'à l'horizon ses blés verts, ses luzernes plus foncées et ses champs de colza d'un jaune éclatant. Puis, tout au loin, un clocher du village, émergeant d'un pli de terrain et pointant son aiguille vers les nuages où planaient des alouettes. À 100 mètres en avant, M. Dordeluc, en bras de chemise, coiffé d'un vaste chapeau de paille, une pioche à la main, continuait de creuser ses trous. En se baissant et en se relevant, il profilait sur la surface grise de la friche une silhouette très mouvementée. Il avait l'air d'un gros oiseau blanc trop lourd, essayant à chaque instant de prendre l'essor et retombant toujours sur le sol. Au début, cette façon de garder les arrêts ne nous déplut pas trop. La nouveauté de la besogne, le grand air, l'odeur aromatique des jeunes sapins, le gazouillement des oiseaux nous ragaillardissaient et nous tenaient en haleine. Pourtant, quand nous eûmes enterré une trentaine de plants, nous commençâmes à avoir chaud et à sentir un peu de courbature. Insensiblement, notre conversation languit, et nous travaillâmes en silence, machinalement, maussadement, comme des cerfs à la glaive. « Dis donc, ça t'amuse, toi ?» me demanda tout à coup Herbillon en s'essuyant les tempes. « Moi, non, je suis fourbu. Moi, je crève de soif et il n'y a rien à boire. Cet animal de Dordeluc aurait bien pu nous offrir une bouteille de son vin gris. Lui, il est bien trop grigou. Il savait ce qu'il faisait quand il nous dispensait des arrêts. Il s'économisait une journée de manœuvre. Il abuse de nous. « Sacrée vengeance !» reprit Herbillon. En même temps, une lueur maligne passa dans ses yeux bleus. « Sais-tu, il faut lui jouer un tour. Plantons-lui ses sapins la tête en bas, ce sera une bonne farce. » L'idée était diaboliquement perverse. Mais quoi ? L'écolier, comme dit La Fontaine, est une maudite engeance, et l'invention nous parut admirable. Nous enterrâmes donc, sans le moindre scrupule, les sapins, la tige en bas et la racine en l'air. Et le plaisir que nous eûmes à exécuter ce méchant tour nous fit oublier notre fatigue. Pendant ce temps, Dordeluc l'Antique, à 100 mètres en avant, creusait toujours ses trous, sans se douter de la singulière posture que nous donnions à ses sapins. Quand nous en eûmes planté 200 environ, en déclamant railleusement « Nos arrière-neveux, nous devons cet ombrage !» Nous entendîmes 4 heures sonner au lointain clocher du village de Vesle, et nous allâmes rejoindre Dordeluc à l'extrémité opposée du terrain. « Il est 4 heures, monsieur, » insinua Herbillon. « Ah ah !» dit le professeur. « Tout est-il planté ?»« Presque tout, monsieur, mais il est l'heure de rentrer chez nous. » Dordeluc se retourna vers la plantation, mit sa main en abat-jour sur ses yeux et étudia le terrain. Heureusement, il était myope. Il vit vaguement des rangées d'arbustes alignées en quinconce et sans se livrer à un plus minutieux examen. « Allons, » fit-il, « vous avez bien travaillé, vous pouvez partir, messieurs. » Nous n'attendîmes pas qu'il nous le répétât et nous décampâmes lestement. Puis, quand nous fûmes hors d'atteinte, nous nous arrêtâmes pour nous livrer à une danse de sauvages, en songeant au bon tour que nous venions de jouer et à la tête de Dordeluc lorsqu'il verrait ses 200 sapins les racines en l'air. Mais le lendemain, il fallut reparaître au collège. La nuit avait calmé notre effervescence et nous étions passablement inquiets. Quand nous entrâmes dans la classe, une aimable pâleur était peinte sur notre visage. Dordeluc l'Antique était déjà en chair, il nous vit prendre nos places et ne sourcilla pas. Il ne s'est peut-être aperçu de rien. chuchota Herbillon. Pendant toute la durée de la leçon, le professeur resta grave, digne, impassible, et procéda, sans la moindre digression, à l'explication des auteurs. Mais lorsque 10 heures sonnèrent, et au moment où nous allions sortir, « Messieurs Claude et Herbillon, dit-il, restez, j'ai à vous parler. » Nous obéîmes en nous lançant un regard anxieux. Les autres étaient partis. Dordelus coiffa son chapeau, descendit de sa chaire, et nous empoignant vigoureusement chacun par une main. « Drôle !» grommela-t-il entre ses dents. « Nous allons, s'il vous plaît, monter jusqu'à mon terrain. » Sans nous lâcher, et sans ajourner un mot, il nous entraîna dehors. Il avait la poigne solide, Dordelus, et nos mains étaient serrées comme dans un étau, pas un moyen de filer. D'ailleurs, nous étions si ahuris que nous n'y pensions même pas. Nous montâmes vivement la chalet de Véel, lui nous tenant toujours et ne desserrant pas les lèvres. Nous, mélancoliques, nous demandant in petto comment tout cela finirait et quel supplice il méditait de nous infliger. Nous atteignîmes enfin le terrain, et Dordelus nous traîna rageusement en face de la plantation. Cette confrontation avec le corps du délit n'avait rien de réjouissant. Sur la friche grise, les 200 sapins faisaient piteuse mine avec leurs racines en l'air, aux chevelus desquels pendaient encore des fragments de terre sèche. « Voilà votre œuvre, bandit !» s'écria Dordelus dont la colère redoublait à l'aspect de notre forfait. Puis, d'un ton grave et pénétré, il reprit « Messieurs, si vous ne respectez pas votre professeur, vous devriez au moins avoir le respect des arbres. Savez-vous ce qu'est un arbre? C'est un être vivant, comme vous et moi. C'est la joie de la terre, à laquelle il donne l'eau des sources qui l'arrosent et l'humus qui la féconde. C'est la santé de l'air que sa verdure purifie. Un bel arbre, c'est une fête pour les yeux, et des milliers d'arbres, cela fait la forêt, le manteau de la terre, cette richesse d'une nation. Un pays qui n'a plus de forêt est un pays fini. Un arbre, mais c'est la charpente de votre maison, c'est le mât des vaisseaux, c'est la chaleur de votre foyer qui vous donne un soleil en plein hiver. Celui qui plante un arbre est un bienfaiteur de l'humanité, celui qui en détruit un, inutilement, est un criminel. Et maintenant, jugez-vous-même. Dans 20 ans, ces 200 jeunes plants que vous avez assassinés seraient grands et beaux, ils auraient été la gaieté de cette friche inculte, ils auraient rendu de précieux services à nos enfants et à nous-mêmes. Et pour satisfaire une espièglerie d'écolier, vous avez supprimé 200 arbres, vous avez 200 meurtres sur la conscience. Songez-y, ce sera votre punition. Maintenant, allez. » Et en même temps, au moment où nous y pensions le moins, et pour mieux graver sans doute son discours dans notre esprit, il nous allongea au bas du dos de formidables coups de pied qui nous firent dégringoler, tout penauds, sur le chemin communal. Je ne sais quel effet produisit cette harangue sur mon camarade. Quant à moi, elle me toucha doublement. Ce fut mon chemin de Damas, et depuis lors, j'ai eu le respect des arbres. Ainsi s'achève Les Sapins par André Theuriet.